Bursa. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Stéphanie Gagné nous sort avec Take Me Out et nous gâte avec ton plat favori. Cet assemblage requis, ça commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis, c'est émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce lundi 6 décembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. On s'étire! On s'étire, on se réveille tranquillement pour le début de la semaine. Ça va en être une belle. Tout à fait. C'est certain. Est-ce que tu as passé une belle fête de semaine, François-Olivier? Tout à fait, relativement courte, mais oui, j'en ai profité pour faire un travail que j'avais à faire. Ah, pas de l'école. Oui. Ah, oh, c'est plate ça, par exemple. C'est plate, mais là, c'est fait. Donc, je le remets mardi, et puis c'est terminé pour l'école pour cette session aussi. Bah, tant mieux! Ouais, tout à fait. Tant mieux. Moi, j'en ai mis des choses dans les bacs, un peu comme toi, tu vas mettre ton test dans des bacs. Ouais. Genre, comme... Ouais, c'est moins lourd, par exemple. Un peu moins. Je déménage, moi, je t'avais dit ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a des boîtes, on aime bien ça. Déménage dans le mois de décembre. Oui, décembre ou janvier. On espère avant le 1er janvier, en effet, mais bon. Ah, d'accord. De toute façon, c'est pas comme si t'avais le choix. Non, c'est ça. C'est pas comme si j'avais le choix. Il faut que je sois parti avant le 1er janvier. On m'a pas mis dehors, juste pour ceux qui se penseraient que... Non, c'est pas ça. C'est volontaire de notre part. Aujourd'hui, à l'émission, on a Stéphanie Gagné qui va nous présenter ses deux chroniques hebdomadaires. On va voir Take Me Out avec les sorties spectacles dans le coin et ailleurs. Dans le coin et ailleurs, tout à fait. Écoute, ça peut être partout dans le monde. Oui, c'est ça, en Afrique. En Afrique. Et puis, moi, je vous ai réservé une petite surprise au niveau musical. Ah oui? Oui. Ah, comme pour les légumes, là. Pour les légumes? Non, mais ton plat favori. Ah c'est vrai. Ah, les ouais. Légumes d'accompagnement. On va remettre en contexte. Stéphanie, sa chronique s'appelle Ton plat favori, celle où elle présente ses coups de cœur de la semaine. Moi, je lui offre depuis quelques mois déjà mon dessert. Et puis là, on a demandé à François-Olivier, mais toi aussi, elle amène quelque chose, des petites crudités, quelque chose. Donc, François a un petit plat de crudités. Avec de la trempette, j'espère. Tout à fait que j'ai fait en même temps que mon travail. Est-ce que tu considères l'émission comme un travail, François? J'espère que non. Hein? Non, mais à l'intérieur de mon travail, quand j'étais en mode rédactionnel. Ah! Est-ce que c'est de la musique pour te divertir pendant que tu... Ouais, tout à fait, que j'écoutais. J'aime ça. Alors, on va commencer l'émission en musique avec Chili Gonzalez. Voici Night Moves. Sur C'est fou. 89.1 FM. Ah, bonne journée à vous. Bon matin. Bon réveil. Ah! T'es bien l'envers un matin. Voilà. Viens de coller. Oh, OK. Cuillère. Fourchette. Couteau? OK. Ma tartine à la face. Hein? Ouais, non, oh, non, là, non, je t'ai non, trop loin. Non. ain't no way we lose it. This is our life, and this is our song. We fight the powers that be just and don't pick up our destiny. 'Cause you don't know us, and you don't belong. You're so condescending in your call, it's never ending. And we don't want nothing, not a thing from you. Your life is tried and jaded, boring and confiscated. And if that's your best won't do. This is our life, and this is our song. We fight the powers that be just and don't pick up our destiny. 'Cause you don't know us, and you don't belong. You're so condescending and your goal is never ending. And we don't want nothing, not a thing. Free. We will fight and you will see that we're not gonna take it. No, we're not gonna take it anymore. 'Cause we're not gonna take it. Hell Songs avec la pièce We're Not Gonna Take It. Très bonne pièce. Yes, we are going yes, to take are. It, that song. C'est super bon, Krim. J'ai entendu ça dans Rock Classic la semaine dernière et puis ça m'a donné le goût d'en faire jouer. T'as bien fait. Oui, en fait, c'est un groupe suédois qui reprend tous des classiques du metal. Oui, l'album s'appelle, s'appelle Hymns in the Key of 666. 666! Oh oui, chef du diable! Yes! Hey Mathieu, je te parle d'une statue en crotte de panda. Ah oui, ok, parle-moi, parle-moi. Vendu, non, non, le chiffre n'est pas petit. 45 000 $ pour de la crotte de panda qui ressemble à la Vénus de Milo. Et c'est la statue pas de bras, ça. C'est ça, exactement, exactement. Et puis, c'est un collectionneur d'art contemporain qui est l'ancien ambassadeur de Suisse en Chine qui a acquis la statue en crotte de panda. Ça me fait... je peux pas croire. Ça te fait... Ouais, 45 167 $ canadiens, c'est vraiment une réplique de Vénus de Milo. Incroyable. Réalisée en crotte de panda. Ça a été confectionné d'ailleurs par des enfants de la province bon. De Sichuan. Et puis, sous les, évidemment, là, il était dirigé par un sculpteur célèbre de la place qui s'appelle Zhu Cheng. Et puis, la statue de crotte de panda, ça a été exposée au musée dans la province centrale de Henan, où elle a attiré une foule de curieux. Ben oui. Et elle a finalement été achetée par Uli Singh, un collectionneur spécialisé dans l'art contemporain. Tout ça là, pour 45 000 $, je peux pas croire. Et ils disent même dans l'article que certains trouvaient que même son odeur était agréable. Ah ben, bon appétit. Mais je ne peux pas croire... Non, mais n'importe quoi peut se vendre, là. N'importe quoi. Et là, littéralement, là. Vraiment. Parce que ça, c'est vraiment le plus bas où on peut aller, là, je pense, non? Pis tu sais, quand les gens là, commencent à dire que, ah non, ça sent bon. Ah t'sais. Oui. Hey, non, mais crime, arrêtez, là. Ça me fait capoter. Vous, 45 000 piastres pour de la crotte, là. Les gens se font accroire des affaires là-dedans. Ça... Ouais. Non, j'en reviens pas, là. J'en reviens tout simplement pas. Ça n'a pas de fin. Et à chaque fois, cette nouvelle sort. Dans les journaux, dans les médias, tout le monde en parle et puis ça encourage à faire ça. Non, parce que tu pourrais faire n'importe quoi, littéralement, le vendre pour un montant déguisoire. N'importe quoi. Ouais, ouais, j'avoue que. Écoute, je pourrais essayer de sculpter des affaires. Ouais. Dis-nous pas comment tu vas le faire, les gens des jeunes peut-être. Ah. Hey, ok, changeons de sujet, je suis plus capable. S'il te plaît. Je veux plus jamais entendre parler de la statue en crotte de panda. Non, non, non. Laquelle? La statue en crotte de quoi? Je sais pas. Ok. Écoute, je te parle d'un incident qui a lieu, qui est assez inusité. Ça se passe en fait par des gens de Trois-Rivières qui... mais ça s'est passé à Montréal, mais ça se passe... c'est des gens de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, exactement. C'est... désolé. Deux ambulanciers de la coopérative, ici même des ambulanciers de la Mauricie, qui est un incident qui est survenu jeudi aux côtés de l'Institut de cardiologie de Montréal. Mm-hmm. Je t'explique un peu l'aventure. Okay, l'histoire. Grosso modo. Ouais, c'est ça, exactement. OK, y a eu une mésentente à Montréal. OK, les deux ambulanciers apportent un patient de Trois-Rivières à Montréal. Donc, okay. Apportent le patient. Arrivé à Montréal, petite mésentente concernait, en fait, un patient que l'hôpital de Montréal voulait que les ambulanciers redescendent à Trois-Rivières. Tant qu'à faire, vu qu'ils s'en allaient là-bas de toute façon. Tant qu'à faire, ils sont déjà là, c'est ça, exactement. C'est bon. Bref, on appelle ça du gros bon sens. Ouais, ça. Elle est du monde là, qui en ont besoin. C'est ça, exactement. Bon, il y en a un des deux, gros bon sens, lui, il est d'accord avec ça. Donc, il dit pas de problème, tu sais, écoute, on s'en va là, comme tu disais. C'est ça. Puis, c'est logique, t'sais. Ben, c'est normal, je veux dire, qu'il n'aurait pas fait ça dans la vie. Tout le monde aurait fait ça. Ben, je m'en vais là-bas, m'en le ramener, c'est ben, sûr. Ben, pas tout le monde. Dans une bonne partie du monde, non, mettons. Ça. Exactement. Mais là, des âmes charitables, il y en a. Il y en a un des deux qui, lui, se dit non, non, non, non. Non, non. Non. Ça marche pas. Inacceptable. C'est pas dans mes tâches. C'est pas dans mes. Ben, c'est pas dans mes tâches. Ils disent pas littéralement le mot tâche, là, mais ils disent attendez que j'essaie de le retrouver. Ils disent. Tu sais, même si c'est pas dans tes tâches, Colin. Ne fait pas partie du mandat qui leur avait été confié. OK. On leur a pas demandé ça. C'est pas leur patron leur a pas demandé ça. Au cas où que le patron se fâche en revenant à l'hôpital, ah, vous avez amené un patient de plus, outrage au tribunal. Mais là, je pense que le patron va être vraiment fâché. Pour cause d'ailleurs. Parce que pendant que, bon, bref, ils s'ostinent, le ton monte, petite altercation entre les deux ambulanciers, déjà là, ça part bien, tu sais. Uh-huh. Hein, ça va faire un beau voyage de retour. Fait que là, pendant que celui qui était d'accord avec ça va chercher le patient, l'autre, ben, il se pousse avec l'ambulance, il redescend à Trois-Rivières, donc l'autre est resté. Non! Ouais, l'autre est resté avec le patient à Montréal, et puis. Ben, voyons. En fait, ils l'ont descendu avec. Attends un petit peu. je retrouve plus. Le transport adapté pour amener le patient vers 3 heures. Ils ont pris un autobus, genre transport adapté pour les chaises roulantes, etc. Ouais. Pour le ramener à la place d'un camion équipé en chose de, pour prendre soin de quelqu'un. Ouais, mais ben, qui ont ramené le patient. J'imagine que le patient, vu que le patient, en fait, il était pas. Il était pas critique. En fait, okay. Je pense que, idéalement, c'est dans cette. Comment je pourrais dire ça, autobus-là qui était supposé redescendre. Okay, okay. Mais vu que l'ambulance était là, je crois. Donc, ça évitait des frais aussi. Ouais, c'est ça. Évidemment. Est-ce qu'ils ont utilisé le transport adapté pour ramener l'autre ambulancier? Tout à fait. Wow. Tout à fait. C'est hein. Génial. Ouais, exactement. Et puis, d'ailleurs, les frais vont être envoyés à l'hôpital. donc. Non, mais tu parles de toi. De eh, toi. Le gros bon sens, ça revient pas. J'en reviens pas. Non. Après, la statue en crotte de panda. Non, mais on devrait lui offrir ça comme cadeau pour sa bravoure. Il s'est poussé. Tiens, crotte de panda. Plus de ça, en fait, là, dans l'article. Il disait qu'il ne savait pas trop là, les conséquences que cela pouvait avoir, dans le sens que le syndicat, il dit que c'est de la gérance interne. Là. Mm-hmm. C'est à l'interne que ça va se passer. Donc, je sais pas. Peut-être une suspension. Peut-être. Je sais pas. Coucher les doigts. Peut-être rien pas tout. C'est bien que c'était pas dans son mandat de ramener le patient, mais c'était pas dans son mandat de laisser son collègue là-bas non plus. Ah non, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Merci, François. Ben, ça fait plaisir. C'est pas déprimant du tout, ça. Hey, puis, imagine que tu leur vois aussi. Tu sais, les deux, là, il faut qu'ils travaillent quand même ensemble. Oui, ouais, c'est ça, c'est des. Ils sont des dans le même bâtisse. Là, je sais pas, d'après moi, ils feront plus jamais équipe ensemble. Mais... Yo, dude! Ça fait des beaux parties de Noël. Ouais, c'est ça, ça va être la fin. C'est une manière de toi qui m'a laissé à Montréal. Tu m'as offert une crotte de panda. Sac. Bon, ben, c'est ça. Vous êtes Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, il y a une chronique, c'est un fait qui s'en vient. Dans cette chronique, c'est un fait-là, tu me demandes, mais de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de sel, entre autres. De sel de mer? De sel, ouais. Ben, ouais, en fait. Pas mal, ouais. Ouais? Pas mal exactement de ça. On va aussi parler de beurre de cacahuète et confiture. Oh, les deux ensemble? Oh oui. Ouais? Parce que les deux ne attends, vont pas... Attends, un peu. Hein? Ils ont-tu inventé le pot déjà prémixé? Non, mais ouais. Ça serait bien. Ça existe pas déjà? Ben, je sais pas. Parce que je... Ah, oh, ouais, t'es sérieux? Je suis pas sûr. OK. Ouais, je... Non. Mais ça serait bien. C'est au moins un pot avec les deux dedans, avec une petite séparation entre les deux, peut-être. Ça serait bien assez. Ouais. Islands... Au 89 FM, on écoute la pièce Disarming the Car Bomb. C'est fou, FM 89. I'm not so sure about it. Not so sure I can surmount it without losing my head. How about just losing my edge? It seems easy to say than done, but I think I'm. In my

Damien Robitaille, homme autonome, 89 FM, assemblage requis. Oh oui. Un homme autonome. Oh, un homme autonome, il fait tout seul. Tout seul. Tout seul. Ouais. Une bonne pièce, Tarot. Comme ça, je vais arrêter de me faire achaler. Qui t'achale comme ça pour faire jouer ça? Ma copine Tarot. Elle est fine. Elle a du goût, par exemple. On peut pas lui enlever ça. Là. Check et qui qu'elle sort. Ouais. Sans commentaire. Elle a du goût. Ben oui, c'est pas ça que tu dis, Evan. Ben, je retire mes paroles. Moi, j'ai du goût pour choisir des faits. Hein? Non? Oh, ça dépend des jours. Ça dépend de l'Internet que je choisis. Donc, voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, vérifiables et vérifiables selon différentes sources sur les différents internets. Donc j'en ai choisi un au hasard, l'internet numéro 384 aujourd'hui. Hein? Oh! Oh! Donc, commençons par un premier fait. Pourquoi donc pas? Je suis sûr qu'il va t'intéresser, en tout cas je l'espère. Savais-tu que 1,25 million de gens sont tués dans un accident de voiture à chaque année? C'est 4 fois plus que les gens qui sont... 1,25 million? Quand même! C'est 4 fois plus que ceux qui sont tués lors de guerre par année. Hein? Ouf! Hein? C'est impressionnant, par exemple. Ouais, c'est vrai. Savais-tu que le Salt Palace... Hôtel en Bolivie est construit complètement de sel. C'est de du sel. Un hôtel de sel. Ah oui. Eh ben, hein? Eh ben. Pas de crotte de panda. Du sel comme du ouais, salt ouais, and pepper. Ouais. Pas comme le groupe de musique Salt and Pepper, là. De Maman de Papaz, là, non plus, là. Non, non, pas. Juste du sel. Ah, mais ouais, c'est spécial, ça. Ouais. Est-ce que c'est mouillé, non? Je sais pas. Aucune idée. Il va falloir que tu le cherches. Son nom, je te le rappelle, c'est le Salt Palace Hotel, si tu veux des photos. Évidemment, je vous rappelle que les liens sont sur assemblagerequis.com. Toujours dans le domaine du sel, le plus haut, le plus élevé lac de sel, c'est le La Salar de Uyuni en Bolivie. C'est deux fois la grandeur du Great Salt Lake qui est en Utah, aux États-Unis. Eh ben, des faits sur le sel, toi. Savais-tu que le slogan « Just do it » de Nike, c'est « Just do it »,« Just do it », a été, et là, c'est ce qu'on dit sur Internet, hein, ça a été inspiré par les derniers mots de Gary Gilmore, qui est un meurtrier. Avant son exécution en 1977, il avait dit « Let's do it », allons-y. Et là, le slogan, c'est « Just do it », fais-le donc. Tu sais? Non? Ça se peut? Ça se peut. C'est ce qu'on dit. Savais-tu que l'enfant américain moyen mange environ 1500 sandwichs au beurre de peanut puis à la confiture? Comment? 1500? 1500 PB&J, qu'ils appellent aux États-Unis, avant de finir l'école secondaire. Ça. Là, il peut continuer. Là. Il y a des gens au collège, au cégep, qui doivent manger ça. Je pense que ça n'a pas de fin. Là. Non, c'est ça. Encore, toi, aujourd'hui, un par jour. Hein? Un par jour pour... ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours. Est-ce que tu manges ça, pour vrai? Encore? Toujours. Ben, non. Non, moi non plus. Non. Moi, c'est beurre et beurre de peanut, par exemple. Faut tout le temps, mais on va régler de quoi, là, cet matin, là? Hein? Règlement de compte, là? Ouais. Ben, faut tout le temps beurre et toast. Avant de mettre des garnitures. Oui, tout à fait. Tout le temps. Sauf avec de la mayonnaise, je trouve ça dégueulasse, le monde qui font ça. Ou de la moutarde, non. Des toasts à mayonnaise? Ben, pas des toasts nécessairement, mais des sandwichs, n'importe quoi. Ah, ben oui. Beurre et mayonnaise. Non, juste de la mayonnaise. Non. Ça vient diluer le goût de la mayonnaise. Non, ça rajoute. Ça rajoute du goût. J'avoue que je l'ai pas vraiment tant essayé que ça, mais ça me répugnait juste d'y penser. On va t'en faire une demain. Ah ouais, t'es fin. Savais-tu qu'il y a... Ah, ça, c'est intéressant. Il y a 12 fleurs sur chaque côté d'un Oreo. Tu sais, un Oreo, il y a comme des petites fleurs dessinées dessus. Hein? Il y en a 12 de chaque côté. Ouais. Moi, je savais pas ça. Moi non plus. C'est quand même bien. Allons-y avec quelque chose que tu vas aimer, j'en suis sûr. Le diphallus. Connais-tu le diphallus? Non. C'est une rare condition avec laquelle un homme a deux pénis. Deux pénis. La première fois que cette condition a été rencontrée, en tout cas qui est répertoriée, c'était en 1609. Typiquement, seulement un des deux organes est complètement formé. Mais il y a eu des exemples, des fois, où les deux pénis étaient complètement fonctionnels. Un désordre étrange qui affecte environ un homme sur 5,5 millions. Ouais. C'est presque commun que les deux pénis du diphallus soient... pas commun, mais c'est pas commun, mettons. It's not uncommon. C'est pas normal, genre, que les deux soient fonctionnels. Normalement, un des deux a une fonctionnalité rudimentaire, donc il fonctionne, mais pas jusqu'au jusqu'à en tout cas, jusqu'à l'érection. C'est ça, mais peut-être qu'il est capable de faire pipi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Puis c'est quoi, les deux sont plugés dans le même... ça reste à voir aussi. J'ai pas cherché tant de photos que ça, par exemple, je te dirais. Justement, l'article dit, ça a peut-être l'air génial, mais la plupart des gens aimeraient mieux ne pas avoir cette condition-là, même qu'en 2006, un homme indien, Uttar Pradesh, a fait enlever son deuxième pénis par chirurgie. C'est vrai. Si vous voulez plus d'informations sur votre phallus, il y a un article sur assemblagerequis.com en ce moment, une plein d'informations, un article de retail. C'est sûr, c'est logique. Là. T'sais, l'idée, c'est pas... Si tu peux pas t'en servir pour... Ben, c'est ça. Ou encore, là, tu sais. Puis même à là, des fois, ça peut peut-être paraître bizarre. Peut-être un petit tantinet freak. Ouais. Peut-être que tu... Hey! Oh, salut, bye-bye. Check, il y a du monde avec là. Ouais, hein? Moi, pas convaincu de ça non plus. Pas tout à fait. Tu connais les craquelins goldfish? Ouais. Les petits craquelins orange en forme de poisson. Ouais. Savais-tu que les sourires sont listés comme premier ingrédient? C'est fabriqué à partir de sourires. Ah ouais, c'est joli, hein? Ah ouais, c'est hot, ça. Et de farine, et là, ça continue la liste des ingrédients. J'aime beaucoup ça. Très joli. Savais-tu que les chances qu'un golfeur professionnel fasse un trou d'un coup sont de 3000 pour un? En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. T'es pas un professionnel non plus. Et je sais même pas si t'es un golfeur, en fait. Ouais, j'y joue. Ouais. Ouais, mais... T'es-tu pas pire? Ben, ça dure, moi. C'est quand même un bâton sur une balle, hein? Une petite balle dans un long trou. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est le fun, par exemple, pour vrai. T'as-tu déjà essayé? Non, jamais. Non? C'est vraiment le fun dans le sens que tu marches, t'es dehors, c'est tranquille, fait beau. Mm. Puis c'est relaxé un peu. Ça dépend où ta balle va, là, mais. Ah, c'est dans le trou de sable, c'est pas toujours intéressant, ça. Ouais, ou dans le bois, là. Des fois, au début, tu perds beaucoup de balles. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est le fun pour eux. Ouais. Essayez ça, le golf, cet été, là. OK. Sinon, le mini-pot. Non? Oui. Est-ce que je pourrais commencer par là? Mais oui, mais le golf, en fait, reflète les deux aspects. Dans le sens que les greens, t'as pas le choix de c'est comme le mini-pot, là. C'est la même chose. Hein. T'as des côtes, t'as des. Ouais. D'accord. Le vent le plus rapide jamais enregistré était de 318 000 à l'heure. Un vent record qui... 1000 à l'heure, c'est vite en temps. C'est vite pas mal. C'est arrivé à Oklahoma City, dans la banlieue de Oklahoma City, le 3 1999. Le nuage a frappé la ville de Moore, en Oklahoma. Vers les 19h, tuant environ 4 résidents et détruisant un total de 250 maisons. La vitesse de 318 000 à l'heure était à 1000 à l'heure, donc c'était 319 le record, à 1000 à l'heure de... excuse-moi. Je répète, le record est 318 000, mais il était à 1 000 à l'heure de frapper la tornade F6 sur l'échelle de Fujita. Il y a comme une échelle de Fujita par rapport au... La force des tornades. Là, voilà. Donc, il était à 1 000 à l'heure d'arriver dans le F6 qui, dans le fond, les tornades F6, ça n'a jamais été enregistré. Il n'y a aucune tornade qui a frappé l'F6 jusqu'à maintenant. Elle est arrivée à 1 000 de ça. Est-ce qu'on se comprend là-dessus, François-Olivier? On se comprend très bien. Dur à expliquer ça, mais c'est clair là maintenant, hein? Donc, en fait, était à 1000, oui, c'est ça. La force numéro 3 des l'échelle de Richter. F6. L'échelle de Richter. F6 en passant, raccourci. C'est le tremblement de terre. Tremblement de terre, F6, Richter. Richter. C'est bon. F6, c'est la touche du clavier pour la barre d'adresse, si jamais tu veux te rendre rapidement ta barre d'adresse. C'est bien, hein? Ouais. OK, prochain fait, ça c'était mon petit bout geek de cet effet. Mais c'est aussi un fait, par le fait même. Le père du tableau périodique des éléments. Tu connais le tableau périodique des éléments? Bon. Le père de ça a aussi établi la formule pour la distillation, mettons, de la vodka. D'accord? Donc, c'est le même gars qui a inventé le tableau périodique des éléments qui a inventé la formule pour la distillation de la vodka. Donc, Dmitri Mendeleev est surtout connu pour le développement de la table périodique moderne des éléments. Par contre, la plupart des gens ne savent pas qu'il travaillait aussi qu'il a aussi travaillé intégralement, si on veut, à l'industrie de la vodka en Russie. La vodka est devenue un breuvage connu en Russie dans les années 1300. Par contre, il n'y avait pas de standard de distillation avant 500 ans plus tard. Ce qui voulait dire que les consommateurs ne savaient jamais la force de leur vodka. Ils ne savaient pas à quel degré qu'elle était. Je ne bois pas vraiment de vodka, mais le pourcentage. Donc, Mendeleev a travaillé en 1894 pour établir un standard national pour la production de la vodka. Et la formule originale demandait 40% d'alcool par volume. Mais bon, apparemment que... Il n'y avait pas tout le temps ça. Ouais, c'est ça, je sais pas trop si ça a changé ou quoi, mais non, on en parle encore. 40%, c'est encore ça? Ouais. Bon, ben voilà. Savais-tu, et ça, je savais pas, je vais montrer mon ignorance, tu vas me dire, mais c'est donc bien évident, tout ça, Mathieu Plante, quand c'est un fait, là. Savais-tu que le jus rouge dans la viande n'est pas du sang? Moi, je savais pas ça du tout. Ben, moi non plus. Presque tout le sang est enlevé de la viande à l'abattoir. Ben, c'est ça. Le liquide rouge qu'on voit, c'est surtout de l'eau mélangé avec une protéine qui s'appelle de la myoglobine. La fonction de la myoglobine est d'emmagasiner l'oxygène dans les cellules musculaires, un peu comme l'hémoglobine le fait dans les cellules de sang rouge. D'accord, moi je connais absolument rien à tout ça. La myoglobine est d'une couleur rouge distincte. Donc, plus il y a de myoglobine dans votre viande, plus elle va, va avoir l'air rouge, plus elle va devenir foncée quand vous allez la faire cuire. Retenez juste que c'est pas du sang, là. Bon. Je t'assure, je t'ai dit ça pour vrai. Ben, moi aussi, c'est ça. Ça dit, disons, la proportion de myoglobine distingue aussi ce qu'on appelle la viande rouge de la viande blanche. La plupart des mammifères ont un haut taux de protéines, alors que le poulet et le poisson ont typiquement beaucoup moins de myoglobine. J'espère que tout ça a du sens. C'est la traduction instantanée, pas sûr de ce que j'ai dit, mais c'est à peu près ça. Oh oui. Bon. Il nous en reste un dernier petit fait. En 1998, ah ça c'est vraiment étrange, un éclair a tué une équipe de soccer au grand complet. Sur le terrain, puis tout le monde avait des... Je sais pas s'il y avait des casques ou quoi, je sais pas qu'est-ce qui a attrapé ça. Mais souvent des souliers à spikes, avec crampons. Des crampons. La tragédie est arrivée dans la République démocratique, du Congo, pendant un match entre les villages de Benachadi et Basangana, qui était juste à côté. Étrangement, l'éclair a éliminé les 11 membres de l'équipe, la home team, comment t'appelles ça, l'équipe qui reçoit? L'équipe hôte. Haute, voilà, d'accord, c'est dit. Alors que tous les joueurs de Basangana ont été épargnés malgré quelques petites... Basangana. Malgré quelques brûlures, mais des brûlures sévères, mais quand même, ils sont pas morts. Hein. Évidemment, les gens de la ville ont commencé à blâmer l'événement sur la sorcellerie. Ça me surprend qu'il n'y ait pas parlé de Dieu là-dedans ou quelque chose du genre. Là. C'est surtout la sorcellerie qui disait. Regarde. Les sorciers, faut faire attention. Oui, Harry Potter. Voilà pour C'est un fait aujourd'hui, François. Intéressant, merci Mathieu. Fait plaisir. Fait plaisir. Oh non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec ça. Il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Non, sexuel non. Alors, les deux pénis de tantôt. Oui. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est un fait, fait plaisir. C'est un fait, fait plaisir. Diphallus. Diphallus, homo sapiens. Homo sapiens. Je sais pas, ça me tente quoi? De dire ça. N'importe quoi. Fac, qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Fac! J'aime ça quand tu dis fac! C'est un fait? Fac quelque chose. On reste dans la thématique. Tu parles bien, je trouve. On va entendre Diamond Rings avec Something c'est bon. Else. Ben, je sais, mais c'est pour ça qu'on en joue, hein? Ouais. Fait que phallus. Dis phallus. Dis phallus. J'en dis phallus, qu'il fallait dire, excuse-moi. J'en dis. Static pipe of your Diamond Rings et Something Else de l'album Special Affections à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt. Déjà. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure? Dave Morgan qui va nous parler des lundis de l'humour au Manchester. On reçoit aussi Stéphanie Gagné qui fait sa chronique Take Me Out. Et ton plat favori? Oui, deux collègues de sa part. Donc, trois belles portions d'émission qu'on a à vous servir dans un beau petit bol. Tu sais, là, les petits. Tu sais, c'est comme l'affaire pour verser de la sauce. Là. C'est comme. Il y avait ça un gravy boat. Non, non, c'est comme un genre de petit bol avec une poignée. Oui. Ouais. C'est fou ça, 89.1. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque Nationale. Deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées en ce lundi 6 décembre 2010. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Bon retour à vous. Cher requin, ben oui, les requins, on les appelle jamais requins. Caroline, les requins sont là, puis ils se demandent, mais voyons, comment c'est qu'on nous appelle jamais par notre prénom, ou surnom, ou non, pas pantoute. Ou non, pas pantoute, c'est... <Ouais. rire> François-Olivier, tu nous surprends ce matin, toi. Ouais, hey, oui. Elvis Presley, ce matin. Elvis Presley. Je pense qu'on n'a jamais fait de jouer à Assemblage Requis. Est-ce que je me trompe? Ça se pourrait. Dans une chronique à Simon, peut-être. Non, je pense pas. Pas cette session-ci. Non. Elvis Presley, je pense qu'il va en parler un peu plus tard au courant de cette année. On va lui demander jeudi. Pour l'instant, on écoute Jailhouse Rock. Ah, c'est fou! until it's time. Black Mountain et la pièce Old Fangs à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées au 89 FM, c'est fou. Juste avant ça, on a entendu Elvis Presley. Hey, ça fait matin. Ça, c'est un bloc qui frappe. Oui, exactement. Ça, ça réveille, ça t'enlève les poils du nez, on pourrait dire. Oui, exactement. C'est quoi si tu veux vraiment tes poils du nez qui touchent à ton micro? Non, mais je pense qu'il y avait quelque chose sur mon micro. Ah, eh ben. Qui me touchait dans le nez. Ouh. Et ça m'intriguait. Ben, quand même, ça me rendait un peu inconfortable. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, mon nez, c'est mon nez. Je suis quelqu'un de sensible. Du nez. Ben, du nez, bien entendu. Voilà. On parlait du nez, justement. Ben, c'est merveilleux, ça. Hey, Mathieu Plante. François-Olivier Marchand. Dans quelques instants, on va appeler Dave Morgan des Lundis de l'humour du Manchester. Tout à fait, oui. C'est ce soir, ça, je pense, lundi. Oui, tout à fait. Et puis, ça achève, comme d'ailleurs Assemblage Requis, qui reste deux semaines avant la période des fêtes. Ouais, tu sais, ça n'a pas l'air du tout comme si t'avais hâte, là. Hein? T'as hâte d'aimer ton travail. Oui, non, j'aime ça, mais je t'avoue que j'ai hâte de me lever tard. Oui. Moi, ça, je m'en cache pas. Non, mais c'est normal. Hein? Je pense que... je pense que ça va faire du bien. Après ça, on recommence évidemment en janvier. On recommence le 10, officiellement le 10 voilà. Janvier. Il va y avoir des émissions entre les deux, des émissions spéciales qu'on prépare. Ça va être excellent, ça. Oui, et puis dans le temps de Noël aussi, hein, on s'intonise à 89.1. Il va y avoir de la musique de Noël le 24 et le 25. Ouais. Non-stop, là, on parle ben, vraiment. C'est ça qu'on aime. Premièrement, il faut mentionner le fait que le 24 et le 25, ça va être 24 heures sur 24 de la musique de Noël, mais de la musique de Noël que vous n'entendrez pas ailleurs. C'est pas les classiques là, plates là, qui jouent partout, là, tout de la même façon, puis tout le monde joue les mêmes affaires. Non. Non, c'est des styles musicaux différents. Des groupes métaux. Du traditionnel ou du trad. Oui, hein? mais le traditionnel, ça va être... Excuse-moi, je te laisse aller. C'est plus folklorique que le 31 et le 1er, on revient plus tard. Oui, c'est ça, de la musique traditionnelle de Noël aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mais après ça, 31 1er, comme tu dis, musique du jour de l'an, de la musique à répondre, des rigodons, on va en avoir, mais des affaires originales, encore une fois. C'est des choses que vous ne retrouverez jamais ailleurs, et ça, prenez-le pour acquis. Tout à fait. Take it for acquired. Tout à fait. Même pas de pub, rien. Rien, là, même pas, là. Peut-être des petites. Vous êtes assez fous, là, mais c'est pas mal ça. Oh, des ID, mais c'est normal. Il n'y a pas de publicité, non. Zéro. Pas d'animation, pas de voix fatigante. Vous pouvez ouvrir ça sur votre radio pendant votre temps des fêtes, 24-25 décembre, 31 décembre, 1er janvier, 24 heures sur 24. Bon, est-ce qu'on l'a assez dit? Ouais, exactement. J'espère que c'est bien ça. J'ai rien dit de trop. C'est bien ça, là? Non, t'as pas offusqué personne. Bon, mais quand même. Prenez ça pour acquis. Bon. Autre pub, tant qu'à parler de choses qui se passent assez fou pendant le temps des Vas-y, fêtes Mathieu. Et ailleurs, allez voir sur lecifou.ca en ce moment, nouvelle application iPhone à télécharger, allez-y, c'est super formidable, écoutez, c'est tout fou. Tout à fait. Pendant le temps des fêtes et ailleurs, et pendant et après, et pendant et au début, et d'autres pendant. Et après, et avant. Et pendant. Surtout pendant. Surtout. Bon. Ah, c'est de la belle pub, ça. C'est ça. Ouais, puis ça coûte à rien, c'est fantastique, l'application est très belle. Non, on vous paye pas non plus, mais quand même. On vous paye pas non plus. Ou si si vous l'avez pas, quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller aussi sur le www.cifou.ca. Oui, allez, quoi que ce soit. Ben oui, écoute, allez l'écouter en direct sur Internet. Ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Bon, ben ça va faire tout ça. Hein? Exactement. Après, après la pièce qu'on va l'entendre, il va y avoir Dave Morgan du Manchester, là, du l'humour salé ce soir. Espérons-le. Ben, on espère, on le jure. Mais après ça, on n'est pas sûr si on peut réaliser nos exploits. Promis. Je sais pas, on dirait que j'ai comme l'impression qu'il dort peut-être ce matin. Ben, ce sera too bad pour lui, au pire. Ouais, non, c'est ça. On va l'entendre à Tokyo Police Club tout de suite. Voici Favorite Color, 89 FM. The day that your brother started to talk was the day that I found you like that. The national child star in a coat and a scarf, alone in the laundromat. Now we got the keys to an apartment we share, and we stay up as late as we'd like. Like Casey and Georgia, like Sonny and Cher. De la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Querelle, tu m'as dit de l'air absurde. sourire vient à manquer. Jonathan, les bateaux de querelle de leur album Cité d'or à Assemblage Requis, 89 FM, c'est fou, mission matinale, pièce attachée, etc., etc. 6 décembre 2010, à 8h24min20s. C'est-tu à bonheur? Hein? Oh oui, non, c'est oui. Faudrait pas mentir à notre public de requins. Ben non, quand même pas. On pourrait avoir des comebacks et puis... Et voilà. Ça pourrait mal tourner. Ça serait pas une bonne affaire. Poursuite justière. Crotte de panda, je dirais. Crotte de panda, 45 000 $. Callback à une blague qu'on a fait au début de l'émission et personne n'était là à ce moment. Oui, t'as de bonheur. T'as de bonheur à ce moment-là. Bon. Mais je vous en veux pas si vous étiez pas là. Non, c'est ça. Hey, moi, j'ai envie de te faire écouter quelque chose que je sais que t'aimeras pas d'avance. Oh. C'est fun, hein? J'aime ça, t'as dit dread d'un dame. T'as quoi, Chiptunes? Ben, un peu Chiptune, mais c'est un groupe quand même que j'apprécie beaucoup et que tu vas peut-être apprécier. C'est quoi? Ben, c'est Mathématiques. Ah ben, je pense que j'en ai déjà entendu. Ça se pourrait, j'en ai déjà fait jouer à un groupe de Québec. C'est super bon et on écoute leur pièce musicale à l'instant, Lego Party. J'adore ça. Sur ce fou. mathématiques et la pièce Lego Party. Pas pire. Ouais. Oh, ouais, pas pire. Ça passe le test. Ah ouais. Amplement. Heureux de l'entendre. Formation de Québec avec une des filles de Standing Waltz, qu'on aime aussi à Assemblage Requis, qu'on joue régulièrement. On est bien heureux de les faire jouer parce qu'on les adore. On les adore, on les aime. Oui, on aime aussi Stéphanie Gagné qui vient d'arriver avec nous. Est-ce que c'est une déclaration d'amour? Ben là, on l'aime, là. Voyons, Colin, prends pas ça comme... Calme-toi, François. Ouais, les hormones, toi, là. Hein? Ben des fois, c'est le matin. Si. Hey, oh, hey, hein? Mm. Le matin, on peut tout dire sans attache, je pense. Ah oui? Ouais. Oh, OK, François, go. François, hein? Mm. OK, on part, tu m'attends. Take me out! Take me out! Take me out, c'est la chronique des sorties spectacle de Stéphanie Gagné. Oui, en effet. Qu'est-ce qui se passe en spectacle cette semaine? Cette semaine, il y a Rufus Wainwright qui va être au cabaret juste pour rire. Ça, c'est demain, mardi. La même soirée, mardi, il va y avoir au Grand Brinus trois gars sur le sofa qui vont être là. Ensuite de ça, le 8, il va y avoir à l'escogriffe Gigi French. Gigi French, qu'on a pu entendre sur l'album de Mister Valère, entre autres. Ensuite de ça, le 10, donc vendredi, Alexis on Fire vont être au Metropolis et samedi soir. Ah ouais! Oui, Alexis on Fire, Metropolis avec Norma Jean, je sais pas qui d'autre. Et le 11, samedi, Dumas qui va être à la salle Jean Grimaldi et la même soirée, Carquois qui va être au Metropolis. Ouh! Que cherchais-tu, Mathieu? Je cherchais une pièce à faire jouer pour accompagner ta chronique. Mais je t'écoutais quand même. Ah, cool. Ouais. Est-ce que tu avais préparé quelque chose? J'ai complètement oublié de te le demander. Mais non, mais on fait les deux chroniques ensemble, puis j'ai une pièce. Ah ouais? Deux chroniques en même temps? Ah ben, OK. Ben, ça va faire spécial, ça. Attends, sans rien de même. Comme ça, comme... Ah! Puis leur partir, mettons, avec ton plat favori, c'est ça que tu veux dire? Let's go. Ben, Colin, ton plat favori. Oh, Stéphanie, gagné! Plat favori, c'est ta chronique sur tes coups de cœur de la semaine. Oui, je vais te dire tout de suite c'est quoi pour que tu puisses chercher. OK, oui. Death Cab for Cutie. Ah, yeah, ils ont-tu un nouvel album? Non, ils n'ont pas encore un nouvel album. Non, c'est bon. Ils n'ont pas de nouvel album. Non. C'est plate. Tu peux répondre, François. Ouais, non, mais on, non. On est un petit peu transparent ici en disant que le téléphone sonne. C'est de la transparence qu'on appelle. C'est comme ça. En fait, on rappellera. Il a raccroché au nez. Ah, il est pas fin, par exemple. Non, mais là, ça sonne en onde. Ah, j'avoue, ça a l'air fou un peu. Ouais. Alors, voilà, j'avais déjà parlé à Mathieu il y a quelques semaines de Death Cab for Cutie. J'avais une nouvelle justement concernant un album qui pourrait s'en venir en 2011, mais il n'y avait pas encore de date. Mais moi, personnellement, j'avais jamais vraiment écouté intensément Death Cab for Cutie. C'est bon. Ouais, mais j'ai downloadé la discographie au complet. C'est pas mal plus tranquille que je pensais. Tu t'es acheté la discographie au complet. T'as dit « Wow, c'est cher ». Wow! Wow! Wow! Puis j'ai surtout écouté les derniers albums. Pochettes sont particulièrement intéressantes avec le petit livret, ça. OK, ça suffit. Puis c'est ça, mais j'ai trouvé ça pas mal plus tranquille que ce que je pensais. Je pensais que ça allait bouger un peu plus. Catchy dans le calme, par exemple, un petit peu. Mais moi, je pensais que c'était genre... vraiment emo, comme le emo qu'on connaît normalement. C'est l'image que les gens ont quand je dis des fois j'aime Death Cab, on me dit « Ah, t'es un emo! » Non. Mais c'est moins punk que du emo. Ouais. C'est comme plus emo. Ouais, mais pas emo non plus à l'extrême. Non, mais c'est ça, c'est super bon. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, j'ai écouté ça, groupe qui vient de l'État du Washington, qui s'est formé en 97. Au début, c'était un projet solo de Ben Gibbard, qui est le chanteur et qui joue aussi la guitare. Et présentement, il y a trois autres membres aussi, incluant Chris Walla, qui travaille avec Tegan Sara. Oui. Et qui travaille avec beaucoup d'autres groupes aussi. J'ai vraiment aimé ça. C'est quand même du rock assez sage, assez mélancolique, très tranquille. Puis la voix, j'aime bien sa voix. Elle est comme sweet. Mais sucrée? Non, sweet comme adorable. Douce, gentille, comme... adorable. OK. C'est comme... Ouais, j'aime bien sa voix. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, ils ont un album qui devrait s'en venir, qui serait leur 7e album, mais il n'y a pas de date de prévu, il n'y a pas de titre non plus, mais ça devrait s'en venir en 2011. Et c'est ça, moi j'ai surtout écouté les derniers albums, Narrow Stairs, qui est sorti en 2008, et la pièce Long Division, entre autres, que j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé une pièce de l'album Transatlantism, la pièce The New Year, j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai surtout écouté Narrow Stairs, et la pièce Long Division a vraiment accroché, j'ai vraiment bien aimé. Alors on l'écoute? Oui, c'est ce qu'on va aller écouter. Assez fou. Vraiment une pièce de mathématiques qui parle de longue division. Tu dois transférer un chiffre en haut, tu sais, quand tu divises. J'ai pas écouté les paroles. Moi, j'écoutais juste la musique. Ouais. Je l'aime bien parce qu'elle bouge plus que pas mal de pièces. Surtout son Narrow Stairs, c'est assez mélancolique et assez... très emo. Comme ben, mentalité. Ah, mais là, oui, mais quand non, même. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai absolument rien contre l'emo. Quand j'étais au cégep, là, je n'écoutais que ça. Rien d'autre, là. Rien d'autre. Que d'emo? Ouais. Ouais. J'étais comme pas quoi? Habillée pis tout ça, là, mais tu sais. Comme quoi, mettons? Vraiment, tout ce qui est genre punk, genre Jimmy Eat World et tout ce qui peut y ressembler. Un peu de My Chemical Romance plus connu. Mais j'aime bien. My Chemical Romance qui va sortir un dernier. T'as-tu vu le vidéoclip? Oui. Ils sont plus gothiques et puis sont plus. Non, mais j'ai pas aimé la pièce non plus. Ah non? Non. Je m'ennuie du vieux. Ouais. T'es quoi? Je m'ennuie du vieux. Ah ouais? T'as entendu je m'ennuie de Dieu? Non, mais j'ai compris, je suis rendu vieux. Ah, ok. J'ai tous compris quelque chose de différent. Ouais. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Merci Stéphanie pour Dead Cab for Cutie. Oui. T'as fait un bon choix. Moi, j'ai deux petits trucs à te renvoyer dans mon dessert. Let's go. Petit plat avec les coins, tu sais, en aluminium. C'est fatigant, ça, avec les coins de plastique. Rentrez ça dedans, leur pognon. Ah, j'ai eu ça. C'est arrivé sur les interwebs. Lesinterwebs.com, c'est mon site du moment. J'adore ça. Allez-y, lesinterwebs.com. C'est plusieurs sites, plusieurs blogueurs. Par exemple, en ce moment, c'était, il y a eu le Sportographe, FLQC.com. Là, on est rendu aujourd'hui, le 6 décembre, au pire des médias sociaux en 2010, selon Thomas Dano. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est une revue de tout ce qui s'est passé sur Internet par différents blogs et différentes personnes qui viennent apporter leurs propres commentaires là-dessus. Donc, pourquoi la revue, nous dit-on? C'est arrivé sur les interwebs en 2010 et on risque de s'en rappeler longtemps. Les interwebs est une plateforme qui se veut un pied de nez à 2010 et un hommage au moment fort du web. Du nouveau contenu chaque jour, du chocolat pour votre esprit. Donc ça fonctionne comme un calendrier de l'avant, ou je veux dire comme un calendrier de chocolat. Là. Je pense que c'est moins, ça englobe plus d'affaires. La devise pour le web et par le web, c'est arrivé sur les interwebs en 2010, se moque des conventions, brise la loi du silence et lève le voile sur le pire, le drôle et l'inacceptable, le joyeux visionnement. C'est fait par Écorce, Atelier Créatif. Écorce qui est une agence de communication qui aime s'amuser et chérit le désir de faire autrement. Voilà. Bref, ils font plein d'affaires de design graphique, le web ergonomique, campagne percutante. C'est une affaire de pub, là, ce truc-là. Donc, c'est ça, comme je disais, le Sportographe, FLQC.com, King Kong Mulette, aka les moments forts du web vu par Total Crap. Tu connais Total Crap? C'est génial, ça? Non, je connais pas. Et revoir Total Crap, j'adore ça. Les pires logos de 2010 selon Olivier Bruel, la rétrospective 2010 de Vieille Marde et le pire des médias sociaux selon Thomas Dano. Donc, plein d'affaires jusqu'à maintenant. Et là, il n'y a que 6 jours de fait. Ça va de mal en pis. On adore. Lesinterweb.com, c'est vraiment parfait. Et pour terminer, mon autre petit dessert, petit à côté, je devais en parler parce que c'est trop malade. C'est GameXplain.com, qui est un site de critique de jeux vidéo, mais aussi de walkthrough. Ceux qui aiment les jeux vidéo, des fois, par moment, ont de la misère à réussir le petit affaire, le minuscule petit moment qui fait que tu passes comme 15 heures sur un tableau sans pouvoir avancer. Puis là, à un moment donné, tu frustes. Tu sais, c'est ça, les jeux vidéo. C'est le fun, c'est difficile. T'sais, l'aiguille monte. C'est le fun, c'est difficile, c'est challengeant, c'est un défi. Tu as l'impression d'accomplir quelque chose. Là, tu dépasses la ligne où, à un moment donné, tu n'es plus capable là, de faire ça. Le tableau est trop difficile. Le morceau de casse-tête à attraper est trop dur. Donc, Game Explain, c'est des walkthroughs, mais en vidéo. C'est des walkthroughs, c'est souvent, mettons, sur gamefax.com, tu peux avoir en texte qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour accomplir telle affaire. Bon, c'est hot, ça. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Mettons, un walkthrough, c'est caché en quelque part dans un fond de buisson. Bon, mais lui, il te l'explique en vidéo et c'est super bien fait. Ouais. Il te le montre et des fois, les moments qui sont plates dans le tableau sont en accéléré, tu sais, pour passer par-dessus des moments. Ça t'explique tout de façon absolument parfaite. Par exemple, là, je joue à Donkey Kong Country Returns en ce moment, comme non. Ça dit. Mais j'ai pas triché encore. Non. Parce que je suis contre. En fait, je suis contre les walkthroughs quand tu joues normalement. Faut vraiment que tu dépasses un moment la ligne. La ligne est très, très élevée pour moi. Faut vraiment que je le fasse des centaines et des centaines de fois. Pour l'instant, j'ai pas encore triché, mais j'ai regardé les premiers tableaux que j'avais déjà fait de toute façon, juste pour pouvoir voir de quoi ça avait l'air. Et je trouve que c'est tellement bien fait. C'est tellement parfait la façon que c'est réalisé. Donc, GameExplain.com, il y a des critiques de jeux aussi. Et il y a même des hands-on, ça veut dire quand le jeu est révélé, par exemple, à une foire de jeux vidéo, il va en faire une petite critique rapide. C'est super bien fait. GameExplain.com, c'est mes deux dessins. Est-ce qu'il y a des trucs de Super Nintendo? C'est plus récent, c'est plus même qu'il y a des sous-sections, si vous voulez y aller par console, si on va dans Reviews, par exemple, il y a Wii, PS3, Xbox 360, PC, DS et PSP, donc c'est plus récent, malheureusement. OK. Ah, c'est triste parce qu'il y a un tableau du Roi Lion que je pourrais regarder. Ah, mais par contre, ça m'amène à dire que tantôt, je parlais de GameFAQs.com, GameFAQs.com tantôt, et puis ça va vraiment t'aider parce que ce site-là est dédié à tous les jeux vidéo, toutes les consoles, toutes les générations de jeux, mais c'est en texte. Donc, tu vas devoir aller dans un document et lire par chapitre, à un moment donné, te rendre au bon niveau. Et puis là, tu vas pouvoir réussir ton tableau. Donc, je le conseille pas, mais si t'es rendu que tu peux plus avancer puis que ça fait des mois et des mois que t'es pas capable d'avancer dans le Roi Lion, je pense que tu peux aller tricher une fois puis ça va être correct. C'est bon. Voilà. Ah, moi, ça, c'était mon dessert. François, on t'avait demandé la semaine passée d'amener des petites crudités pour accompagner le plat favori et le dessert. Oui, tout à fait. Par contre, je crois qu'il faudrait que tu ailles peut-être sur les internets pour aller trouver The Octopus Project. Est-ce que tu connais? Non. Non. On va entendre ça. Une pièce The Adjuster. Est-ce que tu l'as trouvé? Je suis prêt. Oui. Merveilleux. Écoutez ça. Mais si vous aimez ça, en fait, on pourra peut-être retenter l'expérience avec une nouvelle pièce. Mais je veux pas commencer ça trop... Tu veux pas nous achever dès le début. Là. Non, c'est ça. On y va mollo. Très bon. Je suis sûr que vous allez apprécier d'ailleurs. Donc, The Octopus Project et The Adjuster au 89.1 FM. C'est Assemblage requis. Octopus Project avec la pièce The Adjuster. Wow! Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'ai bien aimé. C'est super. Rare que j'aime des trucs assez instrumentales. J'attendais d'entendre une voix. Non, parce que moi, quand j'écoute une chanson, là, tant que j'entends pas la voix, je peux pas dire si j'aime ou j'aime pas. Parce que la voix peut tout changer. Moi, si la voix est pas très bonne, même si la musique est excellente, j'aimerais pas ça. Ben, celle-là, il y en a pas. Non, puis moi, j'aime bien ça, de la musique instrumentale, pour vrai, François. Mm. J'adore. The Octopus Project, on va en réentendre, hein? Oui, c'est ça, mais j'aimerais bien te faire entendre l'autre pièce aussi un jour, peut-être. Là. OK. D'accord. C'est bon. Tu feras ça, François. Je ferai ça. Tu feras ça. Pendant que nous, on s'en va écouter une petite pause et puis on revient juste après avec... Dave Morgan. Dave Morgan du Manchester et lundi de l'humour à Assemblage requis. Restez là. Merci, Steph. Bye. Merci. Bye. C'est fou ça. 89.1. Tu dis que ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou! De retour à Assemblage requis ce lundi 6 décembre. Tout à fait. On reçoit et on va passer tout de suite à Dave Morgan des pour qui va. Là, j'ai de des pour qui, quoi donc, en commun, ou mais où est donc Arnior? Tout à fait. On est sur la brosse ce matin, Radio Cricou, ça va bien? Ouais, ça va pas bien. On est encore endormi. Salut. C'est cool, mais on est trop endormi, ça va bien, c'est bon. Ça va bien, Dave? Ça va très bien. Écoute, hier, j'avais un spectacle à Laval au paradis du douchebag. Attends, je suis fatigué et je sens le spray tan. J'ai hâte de me laver. On va vous parler ce matin, les boys. On a un gros show à faire. On a les jambons d'humour qui viennent au Manchester Pool Pub. Les jambons d'humour. Ouais, ouais, c'est des gens là, qui ont fait des Juste pour rire, des grands rires, tout ça. Là. C'est une belle petite gang de la relève. Ils ont fait l'École nationale de l'humour en 2008. Puis on va avoir un bon show. Et j'ai une petite promotion là, ce matin à faire avec vous. C'est que tous ceux qui vont m'appeler au 450-750-3447 et qui vont me dire qu'ils m'ont entendu assez fou ce matin disant que je sentais le spray tan, vont se mériter une entrée gratuite. OK. Oh, c'est super, ça. Alors, c'est lancé. C'est dit. Okay. 750-3447 dans le 450. L'es-tu dit comme il faut? Oui, je crois. On va le répéter une dernière fois. 450. 750-3447, si vous dites que vous m'avez entendu dire que je sentais le spray tan ce matin, vous méritez une entrée gratuite pour le Manchester Pool Pub les lundis de l'humour. C'est super. Parfait. Et avez-vous encore la promotion, arrivé de bonne heure, ayez la chance de courir, de gagner? En parachute, oui, oui, on a ça. On le fait tirer la semaine prochaine. C'est ça, c'est la dernière semaine ou c'est l'avant-dernière? La semaine prochaine aussi, les entrées qui vont être là vont se mériter un coupon là, pour être éligible au tirage. Parfait. Puis, dans le fond, là, ce qui va se passer, là, c'est la semaine prochaine, on le tire là, après l'entraque. Il va y avoir Stéphane Salut, justement, sur le spectacle. Oh, crime, ça va être un bon show. Je ne peux pas le dire plus que deux fois, là, parce que sinon, on va se faire taper ses doigts. Alors, il va y avoir Stéphane Salut la semaine prochaine. Caroline, c'est drôle. Ouais. Donc, on va avoir deux belles grosses semaines et il va y avoir l'autre d'après. Il nous restait cette semaine et deux autres shows. Je me suis trompé la semaine passée, disant qu'il en restait deux. Là. Alors, on va avoir deux bons spectacles. 8h30, arrivé tôt. Écoute, ça va être plaisant. Comme à chaque lundi. On vous a poussé à Radio C'est Fou. Hein. Venez faire votre tour quand vous voulez. C'est gratuit pour toute l'équipe. Parfait. Merci. Parfait, c'est noté. Et puis, ben merci. Écoute, on rappelle ton numéro. 450-750-3447. En plein ça. Appelez-le et dites que vous l'avez entendu. Vous avez entendu Dave parler de spray tan. Alors, vous allez avoir une entrée gratuite. Ça ressemble à ça. Merveilleux. Et puis, ils ont quoi? Ils ont toute la journée, peut-être? Parce que la journée, jusqu'à soir, le quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Moi, je suis bien ouvert. Je vais répondre. Et puis, vous allez avoir une entrée gratuite pour ce soir. Cool! Hey, merci. Merci, je suis content. Fait qu'à la semaine prochaine... La semaine prochaine, on va avoir Stéphane Salut aussi, un gros show. On s'en voit. Répète pas trop si vite. Ouais, là, attends une minute, là. Ouais, je peux pas dire que. Ouais, je l'ai assez dit, là, je peux plus dire. On se calme. Parfait, les boys, je vous souhaite une bonne fin de matin, de journée, peu importe quelle journée. On s'en va dîner, là. Il est tôt. Je vous souhaite beaucoup de courage encore, faites votre journée. Merci. Merci, Dave. Bye. Bye. Ciao. Dave Morgan du Manchester. On fait des lundis de l'humour au Manchester. C'est ça, exactement. C'est ça. Hey, et puis appelez-le, en fait, dans le 450-50-3447 et dites-lui que vous avez entendu parler de ce prétendant d'Assemblage requis et puis l'entrée va être gratuite. Ouais, et puis pointez-vous ce soir. Tout à fait. Voilà. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste environ 7 minutes ensemble. François-Olivier, c'est vraiment pas beaucoup, ça? Non. C'est presque insupportable, je dirais, tellement il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Insupportable. Ben, moi, je ne me peux plus. Ah, tu notes un peu plus. Non. On a le temps pour une dernière pièce que tu vas me donner à l'instant et tu vas te gâter en choisissant pas mal ce que tu as envie d'entendre. C'est la roulette chanceuse d'Assemblage requis. Oh, on est tombé sur Chantal Archambault. On l'adore, Chantal Archambault, qu'on avait en entrevue récemment ici, assez fou. Et puis, devinez quoi? Ça va se retrouver dans les meilleures entrevues dans une émission spéciale qui va être présentée pendant les fêtes, donc soyez à l'écoute pour ça. Puis elle jouait vendredi passé au vendredi live du D'Artagnan's. Voilà, D'Artagnan's, ils ont un apostrophe S par exemple. D'Artagnan's. Tu as-tu été, non? Malheureusement, non, mais par contre, je risque d'être à celui de Pépé et sa guitare qui s'en vient. Ah ouais, on va aller voir ça. Donc, chanteur Chambeau avec Poil à bois tout de suite au 89 fin. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi, j'ai le cœur qui vit au tremblement. Me dépense entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de mes nombreuses idées se touchent. Je n'ai plus qu'à abandonner mon corps à ton cœur. Reste là. Reste là. Pour que rien et jamais ne change. Secondes à peu près à partir de maintenant, je dirais. Là. YVR de Hot Hot Heat au 89 FM. Qu'est-ce qui s'en vient demain à l'émission dès 7h, François-Olivier? Demain, Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique On télécharge quoi? Émilie Gauthier avec sa chronique plein air, veux-tu sortir avec moi? Tout à fait. Et c'est à peu près ça. Régis Solerie avec une nouvelle capsule quand la mort se fait originale. À donc ça c'est demain à 7h. Restez là pour le dîner de con à 11h. Et là c'est les nouvelles de Radio-Canada. Il reste 25 secondes environ. On a le temps de jaser encore un peu. On a le temps de vous souhaiter une belle journée. Ah, c'est excellent ça. À demain, François. Bonne journée. À demain, Mathieu. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.